parfait, pas que tu regardes le monde de travers, pas que tu t'endors, fous le bordel, près que tu t'envoles, les bras sont des ailes, pas que tu t'éteins en voyant que tu divagues, que plus rien n'est beau, que tu surfes sur une vague, un peu comme un héros. 1, 2, 3, 4, putain qu'est-ce que t'es belle, ta main est moite et tu me roules belle. 1, 2, 3, 4, putain qu'est-ce que t'es belle, ta main est moite, la mienne tout le bordel. Près du sèche tes cours, oublie nos querelles, je fais foutre ta route, fous le bordel, pas que tu m'écoutes, ordi rondelle, ça mis en déroute, et je voudrais bien les suivre, sans monter trop loin de toi, j'arrête de vivre, c'est pas un héros. 1, 2, 3, 4, putain qu'est-ce que t'es belle, ta main est moite et tu me roules belle. 1, 2, 3, 4, putain qu'est-ce que t'es belle, ta main est moite, ma tête est en bordel. C'est de la merde.